Un coulon. La mâchoire, la mâchoire. Une petite fait partie du corps. Pardon. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelait Chippy. Elle avait 45 ans et plus qu'une dent. Elle était encore une vieille fille. C'est